sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Installez-vous confortablement, on vous a préparé deux bonnes heures de rock progressif et on va donner le coup d'envoi ce soir avec un extrait du quatrième disque solo de Björn Riis. Björn Riis, qui est aussi membre de la formation norvégienne Airbag et qu'on a eu l'occasion d'accueillir il y a quelques années dans le cadre du festival, de très beaux souvenirs. Donc, quatrième album pour Björn, et puis, comme c'est souvent le cas pour les groupes norvégiens, il y a pas mal de gens qui ont contribué à ce disque. On y retrouve notamment un des membres de Airbag, de Warbler, de Oak et de Caligonaut. Et puis, on aura aussi une nouvelle pièce de Iz, qui fait partie de The Endless Collection, qui est disponible sur Bandcamp. Et puis, Marc, après ça, ben, je pense qu'on va faire un petit détour du côté de la France. En effet, Michel, on aura un nouvel extrait de l'album de Jean-Pierre Louveton, JPL. Un album à paraître, la parution est prévue pour le 25 mars prochain. Donc, son album Sapiens, chapitre 3 de 3. On aura la pièce « Paradis perdu » et ce sera suivi de la formation Pulsar de l'Italie. Ils sont de la Sardaigne, c'est leur troisième album « Origins of Life » qui vient de paraître il y a deux semaines. On aura la pièce « Thunder Lizard Caravan Part 2 ». Mais tout d'abord, on débute avec Björn Riis. Every second, every hour, always on the run, always on the move. Time is passing by. Time Time is catching up on me. Don't know where I've been or where I'm going to. Someone, something to help me understand. ever enough? Never satisfied. Only question yourself. Always doubt when you're right. Don't be afraid. Just do what you're told. Every second, every hour, day in and day out, thank you.

CKRL 89.1. Le Machin Club, en association avec le Festival de cinéma en famille de Québec et Québec BD, invite les jeunes de Québec à participer à la production d'un court-métrage et d'une bande dessinée dont vous êtes le héros. Oh oui! Québec dont vous êtes le héros, c'est un projet où les artistes professionnels de Québec sont au service de l'imaginaire des jeunes. Bam! Genre... Pour nous aider à définir le scénario qui mettra en scène notre belle ville de Québec, on invite la population à répondre à nos sondages sur le site québechero.com. Ding! Trop vite. Surveillez la programmation du Festival de cinéma en famille de Québec du 6 au 11 mars prochain pour ne pas manquer notre activité d'écriture collective. Plouf! Des... imaginé par le Machin Club. Non, attends, je vais refaire. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à Terrain Incognita, pour entamer cette seconde demi-heure, on va y aller avec un musicien suédois qui a pour nom Jonas Lindberg et qui, sous le nom de Jonas Lindberg and the Other Side, a lancé un premier album en 2016 intitulé Pathfinder. Il nous arrive avec un second album, Miles from Nowhere, et on note sur la pièce titre... D'ailleurs, on va écouter un extrait de cette pièce qui dure 25 minutes, mais pour les besoins de la cause, nous, on l'a ramené à 14 minutes. Donc, oui, on y retrouve un de ses compatriotes, nul autre que Ryan Stolt. Et par la suite, Marc, on se dirige, sauf erreur, vers la République tchèque, ce qui, il faut bien l'avouer, n'est pas très courant. En effet, il s'agit ici de la formation Oxhole. Ils sont de Prague et avaient fait paraître un premier EP en 2021. Ils viennent de faire paraître donc leur nouvel album complet intitulé Ocean of Colors. On aura la pièce Forever Terrified. Également, ça sera suivi de la formation Star People qui viennent de faire paraître un album double après plusieurs années d'absence. Un album qui comprend leur troisième album qui avait été perdu et un nouvel album composé donc en 2021, leur quatrième album. On aura la pièce Hot Blue Star de ce nouvel album, mais on débute d'abord avec Jonas Lindberg and the Other Side. hiding these memories until the tide's gone away on a journey miles from nowhere, all alone in the sun. Never would have thought you were the one. Want to feel something real? That is what you would say. Break the seal. That's the time will not be See the arrows point somewhere. Bye. lights of a dying star. Leave all behind and fly so far. All we have and all we are, to a cinder burned and charred. Our sun is overheating, running out of time. The oceans are receding as the temperature climbs. Massive ball of burning gas, firewall expanding fast. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pain, sandwicherie, pizza et calzone cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteàpain.com. Les Ontarois de Ship of Fools se sont récemment joints à la team Hell for Breakfast pour leur nouvel EP, Statu Quo. Disponible sur benpourmon.ca et sur toutes les plateformes numériques. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, pour le prochain bloc musical, on terminera avec Rick Wakeman, le célèbre claviériste, célèbre pour sa participation dans la formation Yes, évidemment, mais il a également réalisé une très longue carrière solo. Et on aura donc un extrait de son plus récent album, The Red Planet, qui était un retour au rock progressif après de nombreuses années. Donc, on aura la pièce Olympus Mons, tirée de cet album, paru en 2020. On aura également de la formation italienne Sindone, tirée de Kamasutra, leur plus récent album de 2021. On aura trois extraits, les pièces Nirvana, Carousel et Into the Kama. Mais tout d'abord, Michel, un extrait du plus récent album d'un musicien ukrainien très prolifique. Oui, tout à fait. C'est Anthony Kalugin, ou pour être plus précis, c'est sous le nom de Carfagan, son groupe. C'est un 13e album qui est paru récemment, Land of Green and Gold. Et on sait que M. Kalugin travaille aussi sous son propre nom et sous le nom aussi de Hogwash, Sunchild. Donc, une discographie assez imposante. Et on va ajouter un autre disque sous peu. C'est un peu la suite. Cette fois-ci, c'est Land of Green. Des pièces enregistrées lors des sessions de Land of Green and Gold, mais mis de côté. Pour le moment, c'est disponible uniquement en téléchargement, mais il est question que ce disque Land of Green se retrouve sur une compilation en CD, donc pour plus tard. Je n'ai pas beaucoup de détails autres que c'est prévu pour une compilation et on pourra donc se le procurer à ce moment-là, mais pour le moment, ça va être disponible seulement en téléchargement. On y va donc avec un extrait du nouvel album de Carfagan, Land of Green and Gold. Thank you. pain away, suck it away. I'm ready now, the holy books are stuck in me. My youth has gone, my spirit is drunk, I'm falling in lash like I'm having such a full time. Please don't stop me now. Please don't stop me now. Broken bones, let's wait for tomorrow. Let's work, this is the only game to play. For poor and slaves, work hard, my bro, all night and day to you. please wait. Hold this hand, hold this hand. No one knows when love will pass by. Then stay. Here's the love. Shoot your arrows. Shoot. We will fall. Lost and burned. Lost and burned. Pierced by flowers. Thank you. CKRL 89.1. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix régulier en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Salut, ici Ariane Roy. Vous écoutez ma chanson « Le ciel est en place ». Le dernier bloc musical de l'émission débutera avec la formation italienne La Dottrina degli Opposti, qui ont fait paraître un premier et seul album jusqu'à maintenant, en 2018, un album intitulé Arrivederci Sogni. On aura la pièce Nero, Grigio et tout. Et par la suite, Michel, on enchaîne avec une formation qui roule sa bosse depuis de nombreuses années. Oui, qui roule sa bosse depuis le début des années 80. Il s'agit de IQ. On va voir un extrait de Dark Matter, 9e album studio du groupe, et le dernier auquel Martin Offord, le claviériste Martin Offord, a contribué. Offord a pris sa retraite après cet album. Il était un peu découragé par les ventes de CD qui chutaient drastiquement à l'époque avec l'avènement de Internet. C'est dommage parce que c'était un excellent claviériste. On va écouter donc un extrait de Dark Matter, un album que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, un album paru en 2004. Mais auparavant, on y va avec la Dottrina degli Opposti, un projet du multi-instrumentiste italien Andrea Lotti, qui était un membre fondateur de la Coscienza di Zeno. Soffocati tra lenzuola bianche, cancellati troppo in fretta. Sbuffano i camini annoiati dalla quotidianità. sale il giorno, sale già. Volti stanchi e rassegnati si trascinano qua e là, si incontrano, si scontrano, si salutano indifferenti. Volti che non ridono, volti che non piangono più. Stretti. gone from under me. No more security. The future lies erased. These are the last remaining days. If in doubt about the meaning meant, make this one decision your defense. Stay alive to calculate the dead. Lines of color radiate ahead. Silence now descends upon the earth. Can't deny the evidence. Not now, not even once. The future lies erased. These are the last remaining days. Taken out and raised. Ce soir, on a choisi de vous laisser avec un extrait d'un coffret de 3 disques paru en 2002. Il s'agit du groupe Ecoline et le titre du coffret, A Little Nonsense Now and Then. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et évidemment, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Pour clore en grand les festivités de ses 46 ans et demi, l'Aubergine vous offre un nouveau court-métrage d'animation, La petite histoire du clown. Retraçant de façon ludique et colorée l'évolution de l'art clownesque de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, ce petit film d'animation met en scène les grands clowns qui ont marqué l'histoire. Pour visionner La petite histoire du clown, rendez-vous sur la toute nouvelle plateforme zone.l'aubergine.qc.ca. Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez InfoSocial 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec. Pour suivre presque tout ce qui se passe dans l'actualité geek, que ce soit l'Internet, la techno, l'astronomie, les jeux vidéo, le cinéma ou tout autre hobby qui vous passionne, suivez les Geeks Contre-Attaque tous les samedis de 13h à 15h sur les ondes de CKRL 89,1. Puis sinon, c'est pas grave, tu sais, je suis pas votre mère. Vous ferez ce que vous voulez, mais en tout cas, vous m'inquiétez pas, à mon avis. Pas que j'ai un parti pris parce que j'anime le show, là, mais en tout cas, moi, je le ferai. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. D'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute 89,1. Wow, j'embarque. I'm on the road again.